Régime fiscal des titres de participation. Le Conseil d'État juge illégal la doctrine administrative selon laquelle les actions d'autocontrôle ne sont pas des titres de participation pouvant bénéficier du régime des plus-values à long terme, dès lors que ces titres sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice. La haute juridiction estime que, pour exclure ainsi les actions d'autocontrôle du bénéfice de ce régime, l'administration a ajouté des dispositions nouvelles à la loi. En effet, aucun article du CGI ne conditionne le bénéfice du régime des plus-values à long terme à l'exercice des droits de vote.